à ma meuf, ouais, c'est un standard. Et spéciale dédicace à Nidoche. Ah, tu connais pas ma nana, sans oublier son paquet de tabac. Elle pourrait bien se marier avec, tellement reste elle s'en bat la ch'tec. Putain, deux heures quoi. Ouais, c'est bon.